Dieu est un Dieu pratique, toute son œuvre, chaque parole, ses vérités exprimées sont pratiques. Tout le reste est creux et douteux. Le Saint-Esprit guidera l'homme vers les paroles de Dieu pour entrer dans la réalité. L'homme doit la chercher, la vivre, l'expérimenter. Leur corruption. Plus ils ont de réalité, plus ils connaissent Dieu. Haïssent la chair, aiment la vérité, s'approchent des normes de Dieu. Fixé et là.